Réponse, je vais balancer la voiture à la casse. Non, il va changer la pompe à eau. Après, il n'est pas venu répondre, merde. Bon, ben j'ai lu le forum. Ce problème dans les forums, des fois, ça va, mais des fois, tu tombes sur des mecs qui ne connaissent rien et qui font croire qu'ils connaissent tout. Thank you. Pas enregistré.